Comprendre tout ce qui n'est pas acquis, valoir ses droits pour ce qui n'est pas compris, mener son cœur est un certain défi, pour connaître les limites de la vraie vie. Bien qu'on soit proche d'un nouveau départ, bien qu'on soit ciblé par de gros bobards, bien qu'on soit le sujet de plusieurs tocards, ne rien prononcer à leur égard. Et pour l'instant, il faut vivre avec ça. C'est le temps oh, qui agira. Une par une, et ce jour sera un moment de paix pour que chacun comprenne le respect. Mais avant cela, il faut être patient et on se doit de savourer l'instant, même si tous les gens sont insolents. Ainsi croire en soi et avoir du grand.